Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'acteurs de l'économie pour mieux comprendre les enjeux qui façonnent la vie des entreprises et de nos territoires. Alors aujourd'hui, mon invité dirige l'une des sociétés de transport de voyageurs qui a dû faire face ces derniers mois à des turbulences géopolitiques majeures. Une entreprise qui regarde aussi vers l'avenir avec la transition électrique de sa flotte. Je reçois François Piot de la société Prête à partir. Alors retrouvons-nous dans quelques instants pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco. Alors en effet, aujourd'hui, nous recevons François Piot, directeur de la société Prête à partir. Bonjour Monsieur Piot. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors avec vous, nous allons plonger dans le quotidien d'un dirigeant confronté aux nombreuses turbulences de ces derniers mois. Évolution économique, tensions géopolitiques, adaptation permanente et prise de décision dans un contexte incertain. Nous aborderons également un enjeu majeur pour l'avenir, la transition électrique de la flotte de bus, afin d'apprécier comment un dirigeant prépare donc son entreprise aux modalités de demain. Alors François Piot, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nos auditeurs apprennent à vous connaître. Vous êtes directeur de Prêt à partir, mais qui êtes-vous professionnellement parlant? Quel a été votre parcours pour en arriver là? Alors, moi, je suis arrivé dans l'entreprise en 98 et moi, je me définis comme un ingénieur qui est tombé dans la marmite du management. Parce qu'à la base, donc, j'ai fait des études scientifiques et mon rêve, c'était de faire de la recherche en biologie moléculaire. Donc, j'ai démarré une thèse à l'Institut Curie, à Orsay, dans le sud de la région parisienne. Et en un peu plus d'un an, parce que je n'ai pas terminé ma thèse, j'ai fait une seule magnifique découverte, c'est celle qui allait devenir mon épouse et la mère de nos cinq filles, qui, elle, avait des résultats brillants, qui, elle non plus, n'a malheureusement pas terminé sa thèse, parce que à l'époque, j'avais envie d'arrêter la recherche, et mon père vendait l'entreprise. Et donc, sur un coup de tête, un peu fou, que des décisions qu'on ne sait jamais très bien pourquoi on les prend, j'ai appelé ma mère en lui disant de dire à mon père que de ne pas vendre l'entreprise, ce joyau familial auquel je ne m'étais jamais intéressé auparavant. Et je lui ai dit, écoute, on arrive avec Christine et on va reprendre les rênes de la boutique. Alors justement, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre société? Alors Prêt à partir, c'est une entreprise déjà familiale qui le revendique, qui est d'origine lorraine. Moi, je suis de Neufchâteau dans les Vosges. Le siège est toujours à Neufchâteau, même si notre siège administratif est à Gondreville, entre Nancy et Toul. Et c'est ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire avec à peu près 1500 collaborateurs. Donc c'est plus une petite entreprise, c'est pas un grand groupe, on est en taille intermédiaire et on a plusieurs métiers. Alors deux métiers historiques que sont ceux de ma grand-mère, c'est-à-dire le transport de voyageurs par autocar et puis l'agence de voyage que mon père et puis à l'époque monsieur Respo ont beaucoup développé. Donc ça c'est un réseau de 90 boutiques un peu partout dans le Grand Est de la France. Et après on a d'autres métiers et notamment depuis une vingtaine d'années, on est pas mal investi dans les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on produit de l'électricité, on est producteur d'électricité à partir de panneaux solaires, de méthanisation et de quelques centrales hydroélectriques. Donc une entreprise diversifiée, on va donc justement revenir sur votre société tout à l'heure, mais avant j'ai envie de vous poser deux questions assez personnelles, mais qui en disent donc souvent beaucoup sur un dirigeant. Alors commençons par le positif, quel a été votre meilleur souvenir dans la vie professionnelle, ce moment où vous vous êtes dit c'est pour ça que je fais ce métier? Alors il y a eu plein de bons moments, ça c'est sûr. Il y en aura encore plein, j'espère. Mais il y en a, quand vous me posez la question, il y en a un qui me vient de façon assez évidente, qui est relativement récent, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Chaque année, au mois de novembre, on fait des universités pour nos agents de voyage. On se réunit à Gondreville, on est toute la semaine ensemble à travailler, et il y a entre 150 et 200 personnes par jour. Et il y a 2 ans, c'était le 75e anniversaire de notre entreprise, donc créée par ma grand-mère, comme je vous disais, ma grand-mère Rose. Et en même temps, c'était un peu jubilaire parce que c'était à la fois mes 25 ans dans l'entreprise et mes 50 ans. Et alors mes collaborateurs m'ont fait plein de surprises et notamment, ils sont arrivés chacun avec un livre qui m'était dédicacé. Donc on a maintenant une petite bibliothèque à Gondreville avec un peu moins de 300 livres. Donc j'ai pris l'engagement de tous les lire. J'y suis encore, je pense qu'encore pour quelques années, mais j'ai trouvé ça extrêmement émouvant et puis touchant. Parce qu'à chaque fois, il y a un petit mot personnel et puis ça me permet de mieux connaître. Il y a toujours plein de questions qui se posent. C'est pourquoi ce livre-là? Pourquoi cette dédicace-là? Enfin, c'est passionnant. Très bien. Alors justement, parmi tous ces livres, est-ce que vous avez un livre coup de cœur que vous pourriez justement conseiller à nos auditeurs? Alors, il y en a un que je suis en train de lire qui, justement, m'a été offert par une personne qui ne l'a pas dédicacé, qui a même rayé son nom, et qui raconte la vie d'un Américain qui s'appelait Billy Milligan, qui est un cas psychiatrique extrêmement complexe d'une personne qui abritait 24 personnalités différentes, ah oui. Qui a été jugée pour viol aux États-Unis et qui a été relaxée pour irresponsabilité. C'était le premier cas de ce genre. Donc c'est un livre c'est un thriller qui est passionnant, que je suis en train de terminer là. Et donc c'est Billy Milligan, écrit par un nommé Keyes, je crois, K-E-Y-E-S. Très bien. Alors, vous avez évoqué vos relations entre le dirigeant et ses salariés. On aura l'occasion de revenir justement sur le management de votre entreprise tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. En tout cas, ce souvenir professionnel montre bien qu'être dirigeant, ce n'est pas simplement une question donc, de chiffre d'affaires. Et maintenant, l'autre face de la médaille, le métier de chef d'entreprise, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Vous le vivez bien actuellement. Quel est votre souvenir le plus douloureux, celui que vous n'oublierez pas et qui vous a peut-être transformé? Alors là, j'ai aucune hésitation. Ça, c'était il y a 5 ans, presque jour pour jour, parce que c'était le 20 mai 2021, où on venait de réouvrir nos agences après le chômage partiel. On était au sortir du Covid. Donc, bonne nouvelle, on rouvrait complètement nos agences aux horaires normaux. Les équipes reprenaient le chemin du travail à un rythme normal. Et moins de 24 heures plus tard, on apprenait qu'on perdait tous nos circuits scolaires dans les Vosges, une bonne partie de ceux de la Meuse. Ah oui. C'était des circuits que mon père exploitait depuis 60 ans, depuis la création de ses services. Et ça a été un coup très très dur dont j'ai mis beaucoup de temps à me relever. C'était horrible. Alors merci en tout cas pour votre sincérité. Alors vous avez traversé actuellement une autre crise d'une nature tout à fait inédite, celle de la situation en Iran. Alors quand les premières tensions ont éclaté, comment avez-vous réagi en tant que dirigeant? Quelle a été votre première décision? Alors déjà, il a fallu gérer l'urgence, c'est-à-dire que quand la guerre a éclaté, on avait une centaine de passagers qui étaient bloqués à destination, alors pas forcément sur la péninsule arabique, mais on en avait qui étaient bloqués à Madagascar, en Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Thaïlande, etc., qui ne pouvaient pas rentrer parce que leur vol passait par Dubaï ou un aéroport de cette zone, et ils ne pouvaient pas rentrer. Donc il a fallu gérer la centaine de rapatriements, donc ça c'était l'urgence sécuritaire, pour pallier au plus vite la situation. Les passagers qui sont rentrés le plus tard ont dû mettre une dizaine de jours pour rentrer chez eux. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, il a fallu gérer une vague d'annulation parce qu'on avait des clients qui, eux, étaient prévus de partir justement dans cette zone ou dans des zones qui n'étaient pas très très loin du conflit. Donc qui, évidemment, ne sont pas partis. Et il a fallu donc organiser tout ça et s'arranger pour rembourser les clients, pour éventuellement leur revendre un autre voyage. Donc c'était la deuxième phase qui nous a bien occupés. Donc le mois de mars a été très très très actif chez nous. Et puis après, ce qu'on a constaté assez rapidement, c'est que l'activité était en baisse, avec plein de questionnements. Est-ce que je vais partir ou pas cette année en voyage? Vu le coût du carburant, est-ce que j'aurai encore les moyens de partir? Est-ce qu'il y aura encore du kérosène dans les avions? Enfin, c'est toutes les questions que les clients continuent de se poser, même si elles ne sont pas toujours fondées. Et là, évidemment, il y a toute une angoisse générale qui est liée au conflit. Et on a la chance de vivre dans un pays qui est en paix. Hein. Mais toute cette angoisse qui fait que nos métiers sont très perturbés. Voilà. Donc, il a fallu et il faut encore aujourd'hui rassurer nos équipes parce que, bon, évidemment, cette crise, elle nous coûte. Elle nous coûte tant sur la partie voyage que sur la partie transport, encore plus sur la partie transport. Hein. Le surcoût du gasoil pour nos autocars, aujourd'hui, c'est 15 000 euros par jour. Donc, évidemment, il faut l'assumer, il faut attendre que tout ça se tasse pour qu'on puisse commencer à respirer. En attendant tout ça, il faut préserver le moral des équipes. C'est ça qui est essentiel, parce que c'est un peu ce qui s'est passé pendant le Covid. On savait que, d'une part, l'entreprise étant solide, d'autre part, l'État étant intervenu pour soutenir notre secteur, on savait qu'on allait survivre à cette crise. En revanche, on a rencontré, pendant le Covid, un truc qu'on n'avait jamais connu avant, c'est-à-dire qu'on savait que l'avenir existait, mais nos équipes commençaient à perdre confiance dans le métier, pas dans l'entreprise, mais dans le métier. Et on a eu, comme beaucoup d'autres dans notre métier, ce qu'on appelle la grande démission, avec une vague de départ de collaborateurs qui partaient dans d'autres secteurs, qui partaient jamais pour aller dans l'agence de voyage d'en face. Ils partaient pour aller dans l'assurance, l'immobilier qui avait le vent en poupe à l'époque, pour partir dans le sanitaire parce qu'ils avaient besoin d'être utiles. Et c'est ce qu'on veut éviter en ce moment, tout ça, cette espèce de panique qui pourrait toucher nos collaborateurs par rapport à une désaffection du métier. Donc on est extrêmement vigilant en ce moment à ce que nos collaborateurs gardent confiance dans l'avenir. Et c'est là qu'on voit le rôle d'un dirigeant, car au-delà des décisions stratégiques que vous pouvez être amené à prendre, c'est le rôle de rassurer ses équipes. Hein. C'est permanent et c'est jamais gagné. C'est un travail de tous les jours, vraiment. Alors, le conflit en Iran, donc, ça s'assimile effectivement à ce qu'on appelle un signe noir, hein, pour évoquer donc des faits dont la probabilité de se réaliser est relativement faible, mais avec des impacts forts. Alors, malheureusement, vous en avez subi de nombreux depuis quelques années, la crise sanitaire, le conflit en Iran, la guerre en Ukraine. Hein, donc, et donc, face à toutes ces crises, ben, le rôle d'un dirigeant, c'est de tenir moralement, et ça ne doit pas être évident. Alors déjà, les signes noirs, il y en a tout le temps. Vous ouvrez un livre d'histoire, on ne vous parle que des signes noirs. D'ailleurs, il y a un auteur qui s'appelle Nicolas Taleb qui a écrit un livre sur les signes noirs. Il a écrit plein d'autres livres qui sont passionnants. Et les signes noirs, bah oui, il y en a tout le temps, parce que même si on remonte un peu plus longtemps, il y a eu la crise économique de 2008, il y a eu le printemps arabe en 2010, 2011, il y a eu les attentats du 11 septembre. Donc oui, c'est permanent et il faut qu'on vive avec et qu'on s'adapte. Nous, on a la chance, on est des commerçants, on est en bout de chaîne, on distribue des voyages. On a la chance que si jamais il y a une zone du monde qui s'enflamme, bah, on va envoyer nos clients dans une autre partie du monde qui est beaucoup plus sécuritaire. Donc il y a toujours des solutions de repli. Mais c'est vrai que il faut avoir un peu le moral bien accroché et puis comme on disait à l'instant, c'est moi, ma préoccupation unique en ce moment, c'est conserver, défendre le moral de mes équipes, les rassurer de façon à ce qu'elles rassurent nos clients. Alors, autre révolution importante, c'est la transition vers l'électrique. C'est un thème que nous allons aborder dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour l'instant, on va faire une pause musicale, car chaque invité de l'Instant Écho choisit justement une chanson, une musique qui lui ressemble. Alors, François Piot, un titre, un artiste qui tourne en boucle chez vous, dans votre bureau ou dans votre voiture? Alors, j'ai choisi un morceau qui s'appelle Rasputin, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît la version de Boney M. Mais là, c'est une version qui est chantée par Aurora, alors que je ne connaissais, que j'ai découvert très récemment. Et grâce à l'une de mes filles, j'ai trouvé que le contraste entre la version de Boney M, qui est un petit peu brute, un petit peu rude, était incroyable avec la version d'Aurora. Et le message que j'aimerais faire passer, c'est que en fait, dans toute bonne nouvelle, il y a toujours un mauvais côté, et dans toute mauvaise nouvelle, il y a toujours un bon côté. Voilà, c'est un peu le yin et le yang. Il y a à la fois de l'humanité et de la sauvagerie, il y a du bien et du mal, et c'est un peu l'exemple. Bien, je ne connais pas cette interprétation, donc je vais découvrir. Donc, votre choix musical, donc, c'est Rasputin, interprété par Aurora. A man in Russia long ago, he was big and strong, in his eyes a seeming glow. Most people looked with terror and with fear, but to Moscow cheeks he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Ra, ra, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Ra, ra, Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried. Gotta go, declared his enemies, but the ladies begged, don't you try to do it, please. No doubt this Rasputin had lots of hidden charms, though he was so brute, they just fell into his arms. For the queen, he was no wheeler dealer, though she'd heard the things he. So holy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rasputin, lover of the Russian queen. It was a shame how he carried on. Eh bien, une belle réinterprétation de Rasputin de Bonnet, interprétée par Aurora. C'était donc le coup de cœur de notre invité, François Piau. Vous écoutez Fadjet. Oui, vous êtes bien sur Radio Fadjet dans l'instant écho. Eh bien, donc ce mois-ci, on reçoit donc François Piau de la société Prêt à Partir pour évoquer justement le rôle donc d'un dirigeant. Alors, dans la première partie, on a évoqué donc les conséquences du conflit donc avec l'Iran. Et maintenant, on va parler quand même d'avenir. Et d'un avenir qui est déjà là, car le secteur du transport des voyageurs vit une mutation profonde avec l'électrification des flottes. Les bus électriques arrivent et certains opérateurs ont déjà sauté le pas. Alors, Monsieur Piau, chez Prêt à Partir, où en êtes-vous sur ce sujet ? Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'avenir. À l'avenir, nos cars, ils seront électriques. C'est-à-dire qu'on emmènera les enfants dans des cars électriques. Bon, vous m'auriez posé la question il y a un an, je vous aurais dit, je vois ça pour la fin de la décennie, 2028, 2029, 2030, avec la crise sur les finances publiques, hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que tout ça, c'est financé par de l'argent public, on est revenu à un peu plus de pragmatisme économique. C'est-à-dire que d'une part, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près moitié de notre carburant, qui est un biocarburant, un carburant biosourcé, donc on considère que les émissions de CO2 avec ce biocarburant ont été réduites de 85 à 90%. Donc la première marche, elle est faite. Au moins sur ce qu'on appelle les GES, les gaz à effet de serre, il y a déjà un gros effort qui a été fait, un coût qui est relativement maîtrisé, parce qu'un litre de HVO, c'est du HVO qu'on utilise, donc c'est un diesel biosourcé fabriqué à partir des huiles végétales ou des huiles de cuisine retraitées. Donc ce litre de HVO, il coûte un peu plus cher que le gasoil. Alors évidemment, le gasoil, on en a parlé tout à l'heure, son prix a explosé depuis deux mois. Mais le HVO suit le cours du gasoil, donc on est sur un coût qui est maîtrisé à peu près à 20 centimes ou 30 centimes de plus au litre. Donc la première marche est faite. Comme je vous disais, la question, elle va être quand cette transition vers l'électrique va avoir lieu. Et je vais prendre pour exemple là, les derniers appels d'offres qui ont été lancés par la région Grand Est, qui est notre premier client, et où le message il est très très clair. C'est d'une part, nous, la région, elle veut continuer à utiliser du biocarburant, hein, il est hors de question de retourner au gasoil. Mais que par ailleurs, il y a des investissements qui ont été faits il n'y a pas si longtemps que ça dans des cars thermiques. Hein. Donc le message de la région Grand Est, c'est de dire utilisez jusqu'au bout vos cars thermiques, on va même vous permettre d'allonger leur durée de vie de façon à ce que ça coûte le moins cher possible à la collectivité. Donc on est dans un pragmatisme économique qui en même temps atteint des objectifs écologiques qui sont concrets, je vous rappelle 90% de réduction des émissions de CO2, et en même temps une facture pour le contribuable qui va se réduire ou qui au moins va être maîtrisée modulo le cours du gasoil, en utilisant au maximum les moyens qui ont déjà été en partie payés par la région. Donc, transition, oui, mais on va prendre un peu plus de temps pour la réaliser. Et en attendant, on continue à se préparer. C'est-à-dire qu'on continue, chez nous, à implanter des panneaux solaires sur nos toitures, à produire de plus en plus d'électricité, à électrifier nos dépôts, à commencer à mettre des bornes. On a pour les voitures de service, les voitures de fonction, on a des bornes un peu partout. De façon à utiliser l'électricité qu'on produit. Ce qui est rigolo, c'est que on découvre petit à petit des coûts qu'on n'imaginait pas. C'est-à-dire qu'électrifier un dépôt, quand on a juste 4 voitures à charger chaque jour, c'est pas très très cher. En revanche, quand on commence à l'électrifier pour imaginer raccorder, recharger une vingtaine d'autocars chaque nuit, on se rend vite compte que la puissance qu'on a sur le dépôt, elle n'est pas suffisante et qu'il faut réaliser des investissements qui sont gigantesques, notamment dans le raccordement du dépôt au réseau électrique. Et ça peut vite coûter des centaines de milliers d'euros, voire parfois plus d'un million, en fonction de la puissance dont on a besoin. Donc on apprend, on continue d'apprendre, c'est ça qui est intéressant. On sait qu'on a un peu de temps, mais on reste pas les deux pieds dans le même sabot rivés à notre pompe à gasoil. Et on commence à préparer l'avenir qui de toute façon arrive. Alors justement, par rapport à cette production d'électricité, vous avez une filiale qui vous permet de produire de l'électricité que vous utilisez ? Oui, tout à fait. Oui, chaque année, on produit beaucoup plus d'électricité qu'on en consomme. Et donc, le souci, c'est donc un problème de stockage pour l'instant ? Alors, le premier souci, déjà, c'est que la grande partie de notre flotte continue de fonctionner avec des cartes thermiques et on utilise peu d'électricité. Mmh. Mais demain, moi, mon rêve, c'est de me dire que je vais produire à peu près autant d'électricité que ce que je vais consommer dans ma flotte quand elle sera totalement électrique. Ça, c'est un objectif que j'ai depuis 10 ans et on reste là-dessus. Ça, ce serait vraiment le rêve. Maintenant, c'est pas simple parce que, évidemment, quand on produit de l'électricité, le car, il n'est pas là pour charger. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi imaginer un autre métier qui est celui du stockage et qui est un métier passionnant, le stockage de l'électricité et de faire un peu du trading avec l'électricité sur le réseau. Donc, on commence on a lancé plusieurs projets d'installation de grosses batteries sur nos dépôts. Mais c'est un peu nouveau et là, c'est pareil. On apprend petit à petit avec un partenaire qui nous met le pied à l'étrier. Est-ce que vous êtes aidé par les pouvoirs publics pour faciliter justement cette transition? Alors oui, il y a des aides qui existent. Il y a même un catalogue d'aides. Elles ont été simplifiées l'an dernier avec l'augmentation de ce qu'on appelle les C2E, les crédits d'économie d'énergie, qui fait que concrètement, quand on achète un véhicule dit propre, donc notamment un véhicule électrique qui fonctionne uniquement avec des batteries, on va toucher une subvention qui peut être de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, il y a des conditions, c'est pas toujours les mêmes montants, etc. Mais on va dire que, en gros, on peut récupérer 15 à 20% du prix de l'investissement sous forme de subvention. Cette subvention étant financée notamment par les distributeurs d'énergie. Alors, on a parlé de votre rôle en tant que dirigeant face au conflit donc, en Iran, mais aussi face à la transition électrique. Mais vous êtes un dirigeant qui devait manager des équipes. Vous avez rappelé, hein, vous avez donc plus de 1500 collaborateurs à peu près. Hein. Et donc, vous devez donc gérer des ressources humaines. Et semble-t-il, vous avez un management qui est assez disruptif par rapport effectivement au management traditionnel. Alors oui, on nous prend toujours un peu pour des extraterrestres en venant de l'extérieur, parce que chez nous, même si l'entreprise est de taille considérable, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de contrôle. Alors ça peut toujours paraître un peu bizarre, voire angoissant de dire ça, mais ça fonctionne. Ça fonctionne bien parce qu'on s'inspire beaucoup d'un modèle qui est l'entreprise libérée, notamment l'entreprise Favi qui était dirigée par Jean-François Zobrist, qui malheureusement nous a quittés il y a 1 ou 2 ans. Et il a fait un livre qui est formidable qui s'appelle Favi, c'est l'entreprise qui pense que l'homme est bon. Ils ont une devise chez Favi, c'est bonne foi, bon sens, bonne humeur, bonne volonté. Je trouve ça génial. Enfin, il y a le livre, vraiment, je vous le conseille en termes de management. J'ai rien trouvé de mieux. Et on essaye d'appliquer ça chez nous en étant des gens pragmatiques et simples, et surtout en faisant confiance. Donc c'est une grande autonomie. C'est beaucoup de droit à l'erreur parce qu'évidemment, quand on dit aux gens, vas-y, débrouille-toi, fonce. C'est normal qu'ils fassent des erreurs. Ce serait même anormal qu'ils n'en fassent pas. Mais dans ce droit à l'erreur, il y a le droit de se tromper et il y a aussi une obligation de jouer sa peau, pour reprendre le titre d'un livre de Nicolas Taleb. Jouer sa peau, ça veut dire que quand on fait des choses, il faut qu'on soit impacté par le résultat. On n'est pas là pour prendre des décisions dont les conséquences ne nous concerneront pas, et cela n'a rien à voir avec un éventuel président de l'autre côté de l'Atlantique. On est là pour prendre des décisions et puis pour assumer ce qu'on fait. Ça, c'est important. Au quotidien, ce que je demande à mes collaborateurs, c'est d'être impliqués, d'être engagés dans leur mission et d'en subir les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Simplement, dans un contexte de crise, quelquefois, vous êtes obligé d'imposer des décisions. Alors, c'est sûr qu'en temps de crise, on a un peu comme en temps de guerre. On pourrait imaginer qu'il faille plus de discipline. Bon, maintenant, objectivement, la guerre n'est pas sur notre sol. Et chez nous, pour l'instant, bon, c'est sûr qu'on est très impacté par la crise, mais on sait que ça ne va pas durer très très longtemps. On n'a pas modifié notre organisation jusqu'à maintenant. Et j'ai même demandé à mes équipes de continuer d'embaucher, même si on n'a pas de visibilité à court terme. C'est-à-dire, les embauches d'aujourd'hui, c'est l'entreprise de demain. Donc il faut qu'on continue à embaucher. Pensez-vous qu'il faut associer tout salarié à la bonne marge de l'entreprise? Et si oui, comment? Alors c'est essentiel. C'est clairement essentiel. Déjà, il y a une notion de communication, de transparence qui est irremplaçable. Enfin, nous, on est très transparent sur les comptes d'exploitation de nos filiales. Tous nos collaborateurs savent combien l'entité à laquelle ils appartiennent gagne ou perd. Et ça, c'est vraiment la base de tout, la base de tout le management. Ensuite, évidemment, quand il y a de la richesse qui est créée, c'est normal de la partager. Alors, je suis pas un grand fan de l'actionnariat salarié. En revanche, on a des plans d'intéressement chez nous qui font que, par exemple, dans la partie voyage, on reverse 15% des résultats de l'entreprise. C'est comme si nos collaborateurs étaient actionnaires à 15% de l'entreprise, puisqu'ils en reçoivent 15% de la richesse créée. Pour moi, c'est naturel, c'est normal, c'est un juste partage des richesses créées. Il ne serait pas du tout envisageable de faire machine arrière là-dessus. Bien, François Piot, on approche à la fin de cette émission. Et comme toujours, je termine par une question ouverte. Si vous deviez résumer en une phrase ce que vous avez appris ces dernières années entre la crise iranienne, la transition électrique, les défis humains du management, alors quelle serait cette phrase ? Alors, chez nous, dans notre imaginaire collectif, on a un personnage auquel on est très attaché, qui est le Petit Prince. Et il y a une citation de Saint-Exupéry que j'aimerais vous partager, qui est « Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin ». Très bien, merci infiniment François Piot, directeur de Prêt-à-Partir, d'avoir été notre invité pour cette émission L'Instant Éco. On a vu que votre métier, qui est souvent décrié dans les médias, eh bien, il n'est pas si facile que ça. Non, mais on fait un métier passionnant, mais c'est ça qui nous fait tenir. Voilà, c'est très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. À tous nos auditeurs, bien, si vous avez pris l'émission en cours, vous pouvez nous retrouver sur donc, le site de Radio Fadjet en podcast donc, tout au long de ce mois. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle émission de l'Instant Éco. Et n'oubliez pas donc, d'ici là de rester fidèles à Radio Fadjet.